rockin' groovin', keep the music strong. Oh, let it play on. J'adore Barry White, quelle voix, let the music player sur l'arc-en-ciel. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et ouais, c'est la fréquence qu'il vous faut l'après-midi jusqu'à 19h. Et mauvaise nouvelle pour demain, bah, la météo va se dégrader malheureusement. Bah oui, la pluie va faire son entrée. Au lever du jour, les températures vont pas dépasser les 14-15 degrés. De la pluie tout au long de la matinée avec des nuages. Alors la pluie arrivera aux alentours de 8-9h et devrait s'estomper aux alentours de 16-17h avec un retour du soleil. Et on va quand même dépasser les 25-26 degrés. Donc demain, c'est nuageux, c'est pluvieux. Bah ouais, c'est comme ça, c'est la fête à la grenouille. Du son qui arrive, Caliente avec Rosa, et c'est du Caliente, y'a pas la famille. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Si là on l'a passé à la moulinette, hein, le remix de Luis Fonsi, Despacito, Rodrigo, c'est Francky dans la radio, 17h10. Puis les messages, hein, du monde de la nuit qui arrivent, il y a Marie-France d'Orléans qui a un soutien pour les discothèques, elle nous en parle justement. Bonjour, Marie-France d'Orléans, je soutiens Francky par cette petite vidéo, car j'ai hâte qu'il réouvre le set à Changi, afin de m'amuser, de danser avec tous mes amis. Vivement la réouverture, on y croit tous. Et ben voilà, on y croit, merci Marie-France. Plein de messages qui arrivent sur les réseaux sociaux. Ouais, salut Marie-France. Sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Eh, ça fait plaisir des messages de soutien pour la nuit, là, en ce moment, qui est en péril, malheureusement. Il y a beaucoup de messages qui arriveront tout au long de cette journée. On vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, parce que c'est bientôt la fin. 17h10 minutes avec Get Down Saturday Night. Voici le bot Chetam sur Radio Arc-en-Ciel. Ça, des années 80 avec Chetam Oliver en Get Down Saturday Night. Il était avec nous au téléphone hier, en Lucenzo, qui arrive avec un nouvel album et vous prépare du très lourd. Voici son nouveau hit, Nomi Hama, Lucenzo sur Radio Arc-en-Ciel. Un poquito de tu sabor, te necesito, quiero tu amor.

Soleil, à 17h20 sur la console avec Khaled. On va s'aimer, c'est la vie, c'est comme ça. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et ça se passe du côté d'Orléans, l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé, qui met un nouveau dépistage gratuit sans rendez-vous et sans ordonnance organisé sur l'agglomération orléanaise. Ça se passe donc du lundi 17 aujourd'hui, hier, au vendredi 21 août, de 10h à 18h. Alors je vais vous donner le lieu à Orléans-la-Source, les locaux du laboratoire Medibiolab, 36 avenue Président John Kennedy, et du lundi 17 août au vendredi 21 août de 13h à 18h à Orléans, place du Général de Gaulle, sur le parvis de la CPAM du Loiret. Le mardi 25 août de 9h à 16h à Orléans, quai du Fort à l'Aume, et le samedi 29 août 2020 de 9h à 16h à Saint-Jean-de-la-Rouelle. Pour tous les renseignements, on m'appelle en direct, je vous les file, 02 38 43 48 00 si vous voulez vous faire dépister gratuitement pour le Covid-19, résultat sous 24 heures. Du son qui arrive avec Larissa, et ça, ça fait du bien, un peu de soleil. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. Avec Larissa, pam pam pam pam. C'est vrai que ça donne envie de chanter, de faire la fête aujourd'hui en direct à la radio. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Jusqu'à 19h, et puis des bons plans. Si dimanche vous ne savez pas quoi faire, et bien Orléans Métropole organise un grand nettoyage du bord de la Loire. Ça va se passer ce dimanche 23 août de 14h à 18h. participer au nettoyage des bords de la Loire. Toutes les infos sur Orléans Métropole. Vous allez voir, je nettoie ma Loire, pourquoi pas. Un bon geste pour la planète et ça, ça fait du bien. On y va, mais je sais pas. On y va, mais je sais pas où. En tout cas, Goldman, il sait. Si Jean-Jacques Goldman sur l'arc-en-ciel, 17h25 minutes, on ira. Belle fin d'après-midi sur Radio Conciel, la radio couleur, la météo qui arrive dans quelques minutes. Jean-Jacques, ça à toi, vas-y mon ami. Jean-Jacques, ouais, si tu me crois, on te croit promis. Un jour, on partira. Peut-être, on partira tous les deux, toi et moi. 17h29 minutes. La météo demain. Oh, j'ai pas des bonnes nouvelles. Aïe, aïe, aïe. La météo pour demain. Et bien demain, le ciel se dégrade malheureusement dans la matinée. Des nuages et encore des nuages, de la pluie devrait faire son apparition au milieu de matinée. Les températures 15 degrés au lever du jour et on dépassera pas les 26-27 degrés quand il va faire chaud demain. Le soleil devrait faire son retour en fin d'après-midi sur les alentours de 17-18h. Voilà. Donc demain, c'est nuageux et de la pluie, malheureusement, ça va être mitigé. Mais du son qui arrive, Latina. Ah, Anmikava, ça on adore. Voici Nicky Yam sur l'air en ciel. Radio Concel avec Nicky Yam and Mikama dans la chambre. Non, peut-être pas tout de suite, hein, tout à l'heure. En tout cas, bonne vacances à vous. Hein, si vous êtes du côté du Portugal, comme Estelle qui nous écoute au Portugal, salut Estelle. Là, j'ai la tuerie de l'été 1978. Alors, il avait une voix de dingue. Il était animateur radio. Il avait écrit pour Félix Gray ou encore Didier Barbelivien. Le slow de l'été 1978. Alors, je sais pas si vous étiez né ou vous aviez quel âge en 78. Voici une voix d'enfer. Hein. Il s'appelle Jean-François Maurice. Il nous a quitté en 96. C'était le slow de l'été à l'époque. 28 degrés à Londres sur un arc-en-ciel. Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Oh, oh, oh. Qui a pas emballé sur ce show, Garage Whispers avec George Michael, 17h38. George Michael qui nous a quitté le jour de Noël. On est triste à la radio, hein. C'est un sacré chanteur. Coucou à Stéphanie qui nous écoute du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, merci pour ce superbe slow. Bah ouais, on a emballé, on a dansé là-dessus. Puis côté nouveauté, voici Daddy Yankee sur votre radio couleur, 17h39. Mira que viajo por el mundo entero. Quiero que sepas que tú eres. Barbie est belle sur Arc-en-Ciel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Estão abertas as candidaturas ao ensino superior para imigrantes e familiares. De 7 a 23 de agosto, candidata-te a um curso em Portugal. 7% das vagas são para ti em todas as universidades e politécnicos. São mais de 3 mil vagas à tua espera. E se terminaste o secundário pelo ensino profissional, vocacional ou artístico, também podes aceder ao ensino superior em Portugal. Informa-te em deges.gov.pt. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. Soleil, ça fait du bien sur l'Arc-en-Ciel, 17h40, 46 minutes, l'île de la Réunion avec Willy William, DJ Assad. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et on a dit bonjour à Apollo qui nous fait coucou du Portugal, il me dit il fait super beau là. Et demain malheureusement en France, du moins du côté d'Orléans, le soleil ne sera pas là le matin, des nuages malheureusement. Et on ne dépassera pas les 25-26 degrés l'après-midi, c'est déjà pas mal. Ouais, franchement, c'est bien. Eh, on va pleurer quand même. Et un peu de pluie demain, aux alentours de 9-10 heures, la pluie qui fera son apparition jusqu'à 16-17 heures. Mais après, ça devrait s'améliorer. La version flèche d'Espacito, on adore. Elle s'appelle Sarah H. Allez voir ses vidéos sur YouTube. Oui, tu sais que je te regarde bien, mon nom. Je veux danser avec toi maintenant. J'ai déjà remarqué comment tes yeux m'appelaient. Donne-moi le chemin, je le suivrai. Toi, tu es comme un aimant et moi le métal. Et me rapprocher de toi devient vital. Juste d'y penser, je sens mon cœur qui bat. Très banal, je sais que je pourrais très bien vivre avec ça. Tout doucement, moi je vais respirer ce parfum dans ton cou.

caliento más, más, más, te caliento más, más, más, te caliento más, más, más, te caliento. 17h53 minutes, coucou à Séverine qui nous écoute à 96 FM dans la piscine. Ah, on est bien dans la piscine avec un petit cocktail sans alcool, bien sûr, faut pas abuser. Dadju qui arrive avec Rennes et puis on aura Rodrigo S. Je te le dis quand même, la plus de Bouel qu'on adore à la radio, c'est en direct. L'after job avec Francky. Eh ouais, c'est tout de suite. Et puis des Rennes, il y en a plein en ce moment, des Rennes. Ouais. Voici Dadju sur Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entendirai à tes pinkos, j'irai, je peux plus me passer de lui. Et tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. S'ils sont pas nous, c'est tant pis pour eux. S'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là si pour encaisser pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps d'entager mon sang. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh, oh, ah. Au rang de, au rang de. Laisse-moi t'élever au rang de reine. Au rang de, au rang de. Laisse-moi t'élever au rang de reine. Je sais que l'amour c'est compliqué, mais avec toi c'est plus facile. Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Tu fais partie de ma famille et Dieu sait combien j'aime ma famille. Et s'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux. Ferme la porte à ceux qui font de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera Dieu. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps d'entager mon sang. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh, oh, oh. C'est parti. Au bout d'un moment, y'a plus les mots. Ça y est, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mi amor, celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre les coups du sort. Ah, c'est parlé. Au bout d'un moment, y'a plus les mots. Ça y est, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Laisse pas t'en aller, c'est mort, j'ai mis du temps à te trouver, mi amor, celui... Mi amor, mi trésor, 17h56 minutes, Dadju, ma reine. L'after job, avec Francky, le mardi, de 17h à 19h, sur Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et puis le Covid hein, qui plane toujours au-dessus de nos têtes, enfin s'il plane, on ne sait pas trop où est-ce qu'il plane en ce moment, mais en tout cas, il y a du dépistage gratuit à Orléans, nouveau dépistage totalement gratuit, sans rendez-vous et sans ordonnance organisée sur l'agglomération orléanaise par la RS, l'Agence Régionale de la Santé. Alors, donc les habitants de l'agglomération peuvent ainsi se rendre à Orléans, dans les locaux du dispensaire Porte-Madeleine, 1 rue Porte-Madeleine, c'est du lundi 17, donc hier, au vendredi 21 août, de 10h à 18h. À Orléans-la-Source, si vous êtes dans les quartiers là-haut, eh bien, n'hésitez pas, dans les locaux du laboratoire Medi-Biolab, 36 avenue du président John Kennedy, du lundi 17 août au vendredi 21 août, de 13h à 18h. À Orléans, place du général de Gaulle, sur le parvis de la CPAM du Loiret. Le mardi 25 août, de 9h à 16h, à Orléans, quai du Fort Alôme. Et le samedi 29 août, de 9h à 16h, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, du côté de la mairie. Voilà, pour tout renseignement, vous m'appelez au numéro 02 38 43 48 00. Et puis, je vous filerai les bons renseignements. Ils sont déjà bons, mais encore des meilleurs. Voici mon poteau, Rodrigo Hayes, la prise de Bruel. Je vous le dis quand même, on vous aime. 17h57 minutes. Porque aquí no es trovar. No había peor lugar. merci, merci. À vous dans la voiture. Dites-le, dites-le, vous m'aimez, dites-le. Allez, I love you, ich liebe dich, te quiero, mi amor, mi trésor. Est-ce que bien en radio, c'est qu'on peut faire le tour du monde de la planète en quelques minutes. Et là, je vous emmène direction Rio de Janeiro. Ah, oui, le meilleur des souvenirs avec un titre qui nous a marqué dans les années 2000, Netino en 1000. C'est pour José qui nous écoute du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Merci Francky pour cette belle Uber que tu gardes. Ouais, merci mon José. Plein de bisous à la famille des Zinzins. Ouais, on est là en direct jusqu'à 19h. On Brazil de Gaulle, Netino en 1000. Você, na praia, no barco, no farol apagado, num rio abandonado, em uma grande alfa astral, lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar, eu e você, na ilha do sol. Na ilha do sol, o destino te mandou de volta. Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. La Zumba, hein, ça nous rappelle de bons moments en club, ça. On souhaite d'ailleurs bonne chance à tous les clubs, hein, qui sont avec nous. On vous souhaite une très très bonne journée. C'est Francky dans la radio. Into hearts of men. Et là, tout le monde se dit, mais c'était quel film déjà? Bah oui. Quel film d'après vous? Bah, appelez-moi à 02 38 43 48 00. Venez me donner la bande originale de ce film qui a cartonné à l'écran, Virgin on Fire, avec Boogie Wonderland. Alors, c'est rigolo parce que j'étais au téléphone avec la nouvelle mère de Fleury les Aubrais, Carole Canette, qui sera bientôt notre invitée à la rentrée. Voilà. Donc, la petite info exclue que je viens d'avoir en direct à 18h12 du son qui arrive avec France Gall et J'adore sur Radio Arc-en-Ciel. After Job avec Francky l'après-midi. Ah ouais, jusqu'à 19h aujourd'hui. Et puis ce titre a été écrit en 1986. Elle l'avait fait pour Daniel Balavoine qui était parti malheureusement dans un accident d'hélicoptère sur le Paris-Dakar. Voici France Gall, évidemment, pour Daniel Balavoine. Comme un goût de poussière. Qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Comme avant. Et ces batailles dont on se fout. C'est comme une fatigue, un dégoût. Comme avant. Superbe chanson pour monsieur Daniel Balavoine, France Gall 86. Et évidemment, bah 18h16 déjà, on est en direct à la radio, ça me fait plaisir de retrouver la famille. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Je suis là jusqu'à 19h, une rentrée sous le soleil de la radio Arc-en-Ciel. Ça me fait plaisir de vous retrouver après 3 semaines d'absence. Les invités seront de retour début septembre. Alors il y aura une pléiade d'invités, hein, je vais vous en nommer quelques-uns. Pascal Thébibel, qui est vice-président d'Orléans Métropole, sera dans nos studios. On aura Thomas Renaud, l'ancien gardien de but de l'USO Football, qui sera aussi avec nous, qui est maintenant élu, qui est au sport à la ville d'Orléans. Et puis Carole Canette, la mère de Fleury-les-Aubrais, la nouvelle mère de Fleury-les-Aubrais, qui sera aussi notre invitée à la rentrée. Et puis plein de sportifs, on aura les Panthères, on aura l'OLB, enfin voilà, plein d'invités. Tout le mois de septembre va être très très chargé. Des exclusivités, Rodrigo Hayes, vous le connaissez, il sera aussi parmi nos invités dans le studio, ça me fait plaisir. Le collectif Métissé, on les aura au téléphone. Et puis plein de surprises que je vous prépare pour ce mois de septembre, de gros invités, local ou pas. toi, hein. Bah ouais, ça va me faire plaisir. Magali Veil qui va revenir aussi avec Tiad dans nos studios. Et puis des grosses surprises, ça je vous verrai plus tard. Du son qui arrive. Et ça on adore aussi sur Radio Arc-en-Ciel. Il est du Portugal et c'est Señorita. C'est sur votre radio coulée. Écoutez, Señorita, le Portugal à l'honneur aujourd'hui. Chaleur de l'été. Oh, son latino, ton déhanché commence à tout enflammer et bouscule mes pensées. Bachata et merengue, sur la piste et en rythme tu danses. Sur cette mélodie cadencée, c'est le moment de tenter ma chance. Sabes que te quiero, que por ti me muero. Quiero ver tu cuerpo balançar. Comme un rayon de soleil, entre nous rien de confidentiel. Tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tout droit tombé du ciel. Tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes. Y'a quelque chose chez elle d'inhabituel. Là, dans mes pensées, señorita, tu es déjà rien qu'à moi. Ta beauté me fait rêver. Quand tu me lances ton beau sourire, tu incarnes le plaisir, ma tête se met à deviner tous les secrets de l'amour, recherchés depuis toujours. Je suis comme un sorcelé, que j'en perds mon alphabet. Sabes que te quiero, que por ti me muero. Quiero ver tu cuerpo balançar y tener tu corazón. Porque te quiero, que por ti me muero. Quiero esta noche hasta el fin, tu cuerpo solo para mí. Señorita, tu droit tombé du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Entre nous rien de confidentiel, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, 18h20, Señorita, Christophe Malelo sur Radio Arc-en-Ciel. On est heureux de vous retrouver. Puis la prime de la rentrée qui est tombée aujourd'hui sur le compte, je vous en parle. Normalement. Hein. L'after job. Faut avoir des gamins. Ouais. Le mardi de 17h alors, à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, si vous avez des gosses, eh bien c'est bon. La prime qui est tombée aujourd'hui versée par la CAF de 6 à 10 ans, 469 euros. De 11 à 14 ans, 490 euros, et de 15 à 18 ans 503 euros. Donc allez faire un petit tour sur le compte, normalement c'est tombé. Bon, je vous rappelle, c'est pour acheter des fournitures scolaires ou alors acheter des fringues, hein, pas pour aller dépenser ça au resto, hein. Ouais, faites plaisir à vos gamins, ça leur fera plaisir. Marquito qui sera aussi mon invité bientôt, et je me rappelle la première fois qu'il est venu il y a 4-5 ans, j'adorais ce titre Ulusitano sur Radio Arc-en-Ciel. Bonne fin d'après-midi. Não há nada sem trabalho a demora. Nunca se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, te vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a viver. Gosto do fim de semana. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar. Eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia. Deixa andar a magia. ora sei in travaglio o demora. Un chiotto accade, cinque ore, già sto cansato. Devo agradecer, a bebida che mi faz tanto. Semana. Vou-te dizer quem eu sou. Musitano, cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou-te dizer onde eu vou. Lá pra frente tem mais sabor. Invejoso não sou. Partilhar só pode ser. Dar o amor. Vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos lá mudar. Eu só quero alegria. Bientôt de retour à la radio, au Lusitano, qui est notre partenaire du Portugal, qui a un message à vous faire passer. Estão abertas as candidaturas ao ensino superior para imigrantes e familiares. De 7 a 23 de agosto, candidata-te a um curso em Portugal. 7% das vagas são para ti, em todas as universidades e politécnicos. São mais de 3 mil vagas à tua espera. E se terminaste o secundário pelo ensino profissional, vocacional ou artístico, também podes aceder ao ensino superior em Portugal. Informa-te em ges.gov.pt. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Les meilleurs sons soleil aussi, et puis une belle reprise de Gilbert Montagné. Le groupe s'appelle Noda. Voici Listen Night des Tropiques, version 2021. Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau. J'ai dans le cœur un bongo. J'ai dans la tête un oiseau. Qui te dit tout haut, viens danser. Sous les sunlights des tropiques. L'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. Soldo, viens danser. Sous les sunlights des tropiques. L'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça me fait quelque chose de magique. Y'a rien à faire qu'à rêver. Sauter, sauter, non, pas en voiture, hein. Faites gaffe à la route quand même. Noda, version 2021, je dis 2021, pourquoi? Bah parce que c'est vrai que 2020, c'est une année de merde, hein, faut dire ce qu'il est. Hein. 18h27, heureux d'être avec vous. Soit les MNT qui arrivent, on aura aussi Céline Dion avec Jean-Jacques Goldman, J'irai où tu iras. Et puis des messages de soutien pour les discothèques, on va écouter un message de Missing le groupe, et puis d'Antoine aussi. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Siento en el aire, por eso cuando te veo comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you do to me, but keep it suavemente. Sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Give me something older than me. I want you to come home with me. Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you till the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again. It's going down, don't change. Don't hurry now, let me feel your soul. Kiss me a little bit, suavemente, so I need it. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you do to me, but keep it suavemente. Sur Radio Français, le redout retrouvé dans la radio, c'est Francky jusqu'à 19h. Puis des messages de soutien pour les discothèques, notamment celle d'Orléans, le 7, c'est Gaël de Loury qui nous fait un petit message. À tous, cette petite vidéo pour mon Francky, pour soutenir le 7, ne garde pas espoir, je suis là, bisous. Bah voilà, à tous, cette petite allez, un petit vidéo coup, pour mon plaisir. Francky, ah ouais. Pour soutenir le 7, ne garde pas espoir, je suis là, bisous. Eh, ça me fait plaisir, il y a pas mal de messages qui arrivent hein, sur les réseaux sociaux. On a aussi Dominique qui nous a fait un petit message. Ouais, Dominique, il est mignon aussi. Écoutez, Dominique en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Salut mon Francky, c'est la famille Zinzin. Ah bah alors mon ami. Bon, une petite dédicace. Bon, moi je voulais soutenir le monde de la nuit, je voulais soutenir le 7. Et tous les clubs qui sont en ce moment en galère. Courage à toi Francky, on t'aime. Salut la famille Zinzin. Voilà, ça fait plaisir. Puis aussi Antoine qui nous a fait une petite dédicace et vraiment ça nous touche du fond du cœur. Je soutiens le 7 et mon ami Francky. Gros bisous à tous. Voilà, bisous à vous. Merci de vos messages qui sont nombreux sur les réseaux sociaux. Allez, un peu de douceur et puis de chaleur avec Céline Dion, la Canadienne, et Jean-Jacques Goldman, J'irai où tu iras sur la radio couleur. Tous les enfants les comprennent. Damien Concel, Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, la Canadienne. La météo. La météo demain, eh bien le ciel se couvre demain matin malheureusement. Des nuages, encore des nuages au lever du jour. La pluie devrait faire son apparition en milieu de matinée. Les températures 15 degrés au lever du jour, c'est pas mal quand même. Et on dépassera les 25-26 degrés. Le soleil fera un petit peu son apparition en fin d'après-midi, mais la pluie sera bien là en fin de matinée. Donc demain, ça va, couvrez-vous pas, mais prévoyez peut-être le kawé à l'ancienne. Ouais, pourquoi pas, un bon vieux kawé. Aya Nakamura qui arrive. Et ça, on adore sur l'arc-en-ciel. Jolie nana. Il y en a pas mal en ce moment dans les radios. Aya Nakamura, bonne fin d'après-midi. 18h36 minutes, c'est le nouveau. Tu ne vas pas me manquer. Toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia. Tu ne sauras plus rien du nu, moi. Je ne peux pas supporter. T'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer. C'est la putain de la. Qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Si c'est fini. J'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, lol. Mais à qui tu vas la faire? Moi j'ai le mental, ouais à qui tu vas la faire? Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais j'ai le mental, à qui tu vas la faire? À qui tu vas la faire? Jolie nana recherche joli Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipo, ouais. Des pipo, oh yeah. En ciel avec Jolie Nana. Ouais, je suis en train de parler en texto en même temps, c'est marrant. Ils sont latinos qui arrivent. Et Caliente, on est heureux de vous retrouver. Francky dans la radio. Du côté de Loury, il fait beau ou pas pour Gaël qui nous écoute sur le 96.2 FM. El Caliente, Xavi. Quiero yo quiero tu amor. Ese reggaetón te va a llevar.

avrebbe voluto che fosse così, che fosse così. Hanno creduto, cercato, voluto che fosse così. Stacco